changer pour vous. Moi, sorti dans un trail une femme qui portait même 9 fois la vanne. Qui m'a moins 18 mois d'été. Des vies d'eau petit petit. La moins vie dans une femme, même la vie. Mais c'est femme qui est tout bonheur. C'est peut-être ça que je dis à ma chante. Pour demander respect pour femme. Mais je vais pas bon. Bakache di nou l'babon. Même j'aime te voir mal la bouillot, mais je dis c'est moi bien bouillot. Parce que mien maman tout. Oui, mien maman tout. Oui. C'est travail, nous parler fort mal, parler fort mal. Mais année ça, ça change. Pour moi, si ma réparer bagaille là. Pour me retirer bagaille là. Pour moi, moi. Pour retirer bagaille là. On a parlé fort mal, mais pas parler fort mal encore. Parce que mien maman tout. Pour moi, moi. Parce que l'autre doit regarder. Yo maman. Yo maman. Divorce de 9 mois. Il va 18 mois d'été. Aïe. On met une sauve, mon cher. On sait qu'il faut une reconnaissance. Pour te mettre volet. Et puis c'est maman, maman net. Il connaît comme petit, il connaît net tout. Quelque chose à Saoudi, il l'accepte. Parce que c'est petit, lui. Il saute dans la scène. Et puis il connaît le bagage qui est plus important, le fait vous encore. Qui bagage vous comprenez? Arrivez tête deux fois. Ou tête deux fois. Maman, on va 9 mois. Tété, et puis 18 mois dans votre là, on question d'air, ou prend la rue en passant, ou tété deux fois. Respect pour famille.